Ah mais bon, attends, téléphone. Putain, il est... Ouais, allô. Wesh mon pote, oula, faut que je te vois. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? J'ai fait le con, putain. Attends, bouge pas mec, j'arrive de suite, ok? Alors mec, qu'est-ce t'as fait? T'avais pas l'air bien au téléphone. Mais moi, c'est pas ce que j'ai fait, putain, j'ai abusé. Poto, je te connais, t'es trop brave, ça doit pas être si grave. C'est pas ce que j'ai fait, un coup d'adrénaline et j'ai tiré. Direct, ben bon, arrive, je me suis esquivé. Mais j'ai ta main possédée, de cas j'assumerai mes actes. Acte de barbarie, obligé de tirer. J'ai pas quoi faire, je crois j'hallucine, je lâche en plein délire. Je recouvert de sang, ce bâtard est venu me charger en bas de mon bâtiment. J'ai agi telle ma devise, un coup de haram, putain. Je crois je vais brûler au milieu des flammes. Te mets pas ça dans la tête, mec, c'est pas de ta faute. Il a voulu te la mettre et t'en avais dans le froc. Dans une guerre, y'a pas d'assassin, y'a des vainqueurs et des perdants. Devrais-tu avoir honte d'être un gagnant? Même pour ça, je ne crois pas. La seule loi qui compte pour moi, c'est la loi du plus fort. Sois mauvais et vivant, sois bon et mort. Mais t'as rien compris ou quoi? Je vais t'expliquer. Mais avant, ramène-toi. Ok, je veux me calmer. Le souci va retomber. Mais allez, c'est rien à côté de ce que j'ai fait. Je ne gagnerai plus de sang. Prends-le avant que je fasse un carnage. Après ça, obligé de le rendre hommage. J'ai besoin de toi à mes côtés. Tu peux pas savoir à quel point je suis dégoûté. Ma fierté m'a trahi. Ida, on arrangera tout ça ensemble. J'arrête de tromper. Ok, tu pardonnes toujours. J'ai foi en lui. Pourquoi faire? Pourquoi se faire la tête? Au final, on sera tous voisins au cimetière. Voilà, là tu prends des bonnes résolutions. Là tu trouves des solutions. Je te le dis, trop bon, trop con. C'est dur mais bon, la vie continue. À toi d'en savourer chaque minute. Même si la vie est brute, profite-en longuement avant que l'on te bute. Ouais, allô? Allô, Ida, moi je te parle, putain. Ouais, quoi, qu'est-ce qui se passe? Attends, calme-toi déjà. Oh, putain, je suis occupé là, alors fais vite. C'est hyper important, mec, il faut que tu m'écoutes. Ouais. C'est ton petit frère, il est parti travailler ce matin. Et alors? Oui, il devait chercher les thunes du deal, ben il est mort. Quoi? Mort, je te dis. Il est mort. Il s'est battu et il a perdu. Non. Il a pris une balle dans la tête. Il est mort sur le coup. Non. Je suis désolé. Non. Te cache à s'humer mes armes. Mais c'est à ma procédée. Un coup d'adrénaline et j'ai tiré. La seule loi qui compte pour moi, c'est la loi du plus fort. Sois mauvais et vivant, sois bon et mort.